Donc là, on est avec Judy Kael sur le port de Rouen, qui est occupé. Qui est occupé ? Ouais. Oui, qui est très, qui est occupé très occupé. Depuis le 5 décembre, je suis occupé. Ouais. Le port aussi est occupé. Et là, le port, là on commence les dockers et les portuaires. On a décidé, notre fédération a décidé de là, on va vraiment taper, on va commencer à taper fort l'économie. Et on a commencé depuis lundi, le lundi 6. Et vous allez entendre parler de nous, je crois. Ça va commencer là. C'est parce que ils veulent nous recevoir et on le refuse. D'accord. Donc qui est le ministère ? Le ministère. Okay. On le refuse parce que nous, on veut retirer cette réforme automatiquement. On ne veut pas négocier. Parce que dans toute négociation, le peu qu'on va faire, même si une petite négociation, on va y perdre. Et on ne veut pas, encore une fois, comme ça se passe dans beaucoup de corporations, que nous on profite du système parce qu'ils ont peur et laisser la population crever. Et là on a dit non, on restera sur notre attitude de dire vous retirez votre réforme et on peut peut-être améliorer celle qui existe aujourd'hui, la retraite la plus belle du monde, on le dit. Hein, on a l'une des retraites qui marche le mieux, il faut juste l'améliorer un petit peu. Par exemple, et au lieu de supprimer les régimes spéciaux, étendre les régimes spéciaux à tout le monde. C'est ça. Nous, on a un régime spécial aussi. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Mais déjà, on a un régime spécial qui recule à chaque fois. Parce que ça me fait un peu marrer, moi, quand j'entends les gens qui disent les cheminots, ils ont encore leur prime pour mettre du charbon. Et puis les dockers, ils ont encore la pénibilité qu'ils ne portent pas de sac. Mais le métier a changé. C'est vrai qu'on porte de moins en moins de sacs physiquement. On fait de moins en moins de physique, mais nous, on ne sait pas ce qu'on fait le lendemain. On a un numéro vert qui nous dit qu'est-ce qu'on fait le lendemain. C'est qu'à 18h, vous ne savez pas encore si vous êtes de nuit, du matin, de l'après-midi. On ne sait pas à quelle heure qu'on mange, on ne sait pas à quelle heure qu'on va rentrer, on ne sait pas à quelle heure on va se coucher. Et ça, c'est l'horloge biologique. Et on a fait un statistique qui a été réel et qui a été approuvé en 2011, je ne suis pas sûr de la date, que la durée de moyenne d'un docker, c'est 65 ans. Vous avez un an de retraite, quoi. J'ai mon père, il est parti en octobre à 65 ans. Et nous, on les voit partir nos anciens à 65 ans. Et là, on nous dit qu'il faut pousser jusqu'à 64 ans. Il va nous rester quoi, nous, après, là ? Donc, même s'il nous dit vous allez garder votre pénibilité, c'est 3 ans. Quand on l'a gagné, on s'est battu, c'était 60-3. On devait partir à 57. Maintenant, c'est 64-3, on partira à 61. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour 60-3, on va faire plus de ce qu'on veut maintenant, etc. Et on lâchera rien. Et tu disais tout à l'heure, là, au début, que vous allez frapper l'économie dure. Là, tout à l'heure, dans les prises de parole qui ont lieu à la fin de la manif, il y a un camarade qui a annoncé qu'il y avait 100% des ports à l'arrêt aujourd'hui en France. Tu peux parler de ça ? Oui, oui. Il y a tous ça les... signifie quoi, en fait ? Il y a 26 ports en France. Les 26 ports en France... Les bateaux ne chargent pas et ne déchargent pas. Pendant 72 heures, là. Ça va s'entasser dans les ports. Hein. Et oui, ça commence déjà, parce que forcément, après, c'est une stratégie politique. Là, ils commencent déjà à détourner les bateaux depuis déjà une semaine dans d'autres pays. Évidemment, ça va jouer. Hein. Mais il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron aussi, il a des contrats internationaux. Et là ça va commencer à râler. Quand vous avez un contrat chez vous puis qu'il va ailleurs... Voilà. Okay. Et là, il y a des actions qui sont... Alors, je ne te demande pas de me parler des actions, mais il y a quelques actions qui sont prévues, à commencer par demain. Demain le 10, et puis après, ça continue. Bah, demain le 10, à Rouen, en tout cas à Rouen, parce que je ne veux pas parler au nom de tout le monde, de tous les ports, parce que chaque port fait leur stratégique et fait les blocages qu'ils veulent. Nous, à Rouen, demain... Il y a une boîte de maintenance qui n'est pas syndiquée, nous, à Rouen. On a du mal, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que sur 200 dockers, on a 140 syndiqués. Donc il y a toujours des... Voilà. Ça, c'est depuis la réforme 92 qu'on nous a fait. On était 2000 à Rouen, on est plus de 200, et ça fait mal énormément. Puis pour rallier le mouvement des gens pour se mettre au syndicat, ça va mettre du temps. Et justement, bah demain, cette boîte-là, qui va travailler pour faire le port meurt, nous, on va les bloquer pour qu'on respecte on respecte la décision de notre fédération qu'il faut qu'on bloque tous les ports. Donc comme il y a cette entreprise de boîte de manutention demain qui travaille, on va passer notre journée qui ne travaille pas. Quand tu parles de la fédération, c'est la CGT en l'occurrence. Ah non, nous c'est la fédération des ports et docks qui est assimilée à la CGT. D'accord, ok. Bon, je vais continuer à suivre cette semaine. Bonne continuation des luttes. Je t'en remercie. Et on lâche rien. On lâche rien.